Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans ses mémoires, Beate Klarsfeld raconte que, peu avant l'élection de Georg Kurt Kiesinger, ancien haut fonctionnaire du parti nazi, au poste de chancelier de l'Allemagne fédérale en décembre 1966, elle se souvint des mots de l'un des derniers tracts distribués en 1943 à Munich par Hans et Sophie Scholl, fondateurs du mouvement de résistance La Rose Blanche. Une fois la guerre finie, il faudra, par souci de l'avenir, châtier durablement les coupables pour ôter à quiconque l'envie de recommencer jamais pareille aventure. Après avoir publiquement giflé le chancelier Kiesinger en novembre 1968, Beate, aux côtés de son mari Serge Klarsfeld, mena dans les années 70 plusieurs campagnes pour faire juger les criminels nazis restés impunis. Le procès de Cologne, à l'issue duquel furent condamnés en 1979 trois anciens hauts responsables de la police de sécurité nazie, Kurt Lischka, Herbert Hagen et Ernst Heinrich Sohn, puis le procès de Klaus Barbie à Lyon en 1987, furent deux des aboutissements de ce combat mené aux quatre coins du monde. En 2002, dans les deux derniers épisodes d'une série d'entretiens accordés à Katharina von Bülow pour A Voix Nue, Beate Klarsfeld racontait quelques étapes essentielles de ses luttes et leur prolongement contemporain. Beate Klarsfeld, aujourd'hui pour cette quatrième rencontre, j'ai choisi comme titre « La chasse aux criminels », c'est-à-dire la chasse continue, et on va évoquer les différents cas qui ont suivi celle de Kiesinger. Vous avez à ce moment-là déjà une certaine réputation, sinon une réputation certaine, et vous êtes décidé de poursuivre votre lutte et votre combat contre les anciens criminels nazis qui se cachent un peu partout dans le monde et qui n'ont jamais été jugés. Alors il y a deux cas que vous poursuivez en Allemagne, c'est Lischka et Hagen. Peut-être que vous pourriez nous dire en quelques mots de qui il s'agit. Mais il y avait donc, en 71, on s'est rendu compte qu'il y avait en France, après la guerre, par les tribunaux militaires, il y avait à peu près 250 criminels nazis allemands qui étaient condamnés par contumace, la plupart à mort, à la prison à vie. Et tous étaient revenus après la guerre en Allemagne et vivaient là ouvertement, avaient des fonctions de juge, homme d'affaires, journaliste. Et donc, on a essayé de trouver une solution, mais la situation est débloquée parce que condamné par contumace en France et allemand, il ne pouvait pas être extradé vers la France. Et un traité franco-allemand interdisait, parce que les Français, après la guerre, ont demandé aux Allemands, ne les jugez pas parce qu'ils avaient peur, les Allemands vont les acquitter. Ils avaient dit, on s'occupera un jour. Bon, pour ça, il fallait ratifier ce traité franco-allemand. Et là, ça a commencé notre combat avec la société politique allemande qui a dit « ça ne sert à rien ces procès ». Et c'était justement Ernst Achenbach, membre du parti libéral. On a empêché qu'il soit nommé commissaire européen à Bruxelles parce qu'il était à Paris, à l'ambassade allemande, le chef de la section politique. Et, sous le régime nazi. Sous le régime nazi, bien sûr. Et d'ailleurs, il se cachait jamais qu'il était porte-parole au Parlement allemand de dire terminer avec les procès des criminels nazis. Et c'est lui, pendant un certain temps, avait bloqué dans la Commission des Affaires étrangères cette préparation pour la ratification. Donc, il fallait obtenir la ratification. Donc, c'était depuis 71 jusqu'au procès en 79, de nombreuses manifestations en Allemagne. D'ailleurs, je vous ai dit, il y avait plus que 250. Alors, on a essayé de se concentrer sur les plus importants, comme vous dites, Kurt Lischka, qui était venu en France 40-43, qui déjà avant de venir à Paris était le chef de la Gestapo à Berlin. C'est lui qui était responsable pour la première arrestation des Juifs avant la Nuit Cristal, Juifs qui étaient envoyés dans les camps en Allemagne. C'est lui qui, en principe, en France, était le bras droit de Monsieur Knochen et qui décidait sur l'arrestation l'arrestation et déportation des Juifs. Il y avait son collègue Herbert Hagen, l'ancien chef d'Eichmann à Berlin, qui donnait des conférences sur l'antisémitisme et sur le, contre les Juifs, qui devenait après le bras droit du service de sécurité, le SD de Oberg. Et c'était vraiment l'antisémite terrible. Et puis il y avait un troisième que nous avons donc sorti de l'ombre, c'était Ernst Heinrichsen, qui était le plus jeune. Il faut dire encore, tous les trois étaient des académiciens. Heinrichsen était le plus jeune, il est devenu après la guerre maire d'un petit village en Bavière. Et c'était lui qui était l'adjoint au service anti-juif de la Gestapo à Paris. Donc on avait des témoignages horribles, comme arrivé à Drancy, il surveillait comme les gosses étaient descendus le matin des baraques de Drancy, on les envoyait dans les cars vers la gare. Bon, on s'est dit, ces trois-là, il faut se concentrer sur eux pour obtenir le procès. Et Lichkar habitait à Cologne, donc à l'époque, pour manifester devant la maison d'un de ces criminels nazis, c'était le train direct Paris-Cologne, donc on manifestait toujours avec le slogan « L'Allemagne ne fait rien contre les criminels nazis », mais nous qui venons protester, on était arrêtés, on était frappés, les déportés étaient frappés, emprisonnés souvent. Et au bout de des années, ce qu'on a fait toujours, nous, on répète les actions, vous voyez. C'est à la longue, finalement, on obtient des résultats. Et puis donc, ça fait un changement. Rambach devait démissionner de la commission des affaires étrangères. Il y avait des interventions du président français. C'était Giscard d'Estaing à l'époque qui a demandé aux Allemands de ratifier. Donc finalement en 79 il y avait l'acte d'accusation contre ces trois criminels nazis et ce qui a commencé ce procès exemplaire de Cologne où ces trois étaient condamnés à des peines de prison de 7, 10 et 12 ans. Mais c'était aussi un procès exemplaire parce qu'on avait tous exigé d'avoir un jeune juge. On ne voulait pas avoir un juge qui avait déjà servi sous le régime nazi. Et c'était un procès pour lequel nous avons préparé le mémorial de la déportation des Juifs de France avec tous les noms, prénoms, dates de naissance des Juifs qui ont été déportés de France, les 76 000 dont très peu sont revenus. Et c'était un procès qu'on a documenté avec des publications. Donc les journalistes avaient transmis toute notre documentation à la justice allemande et donc ce procès est devenu exemplaire parce que sur ces 250, c'était ces trois-là qui étaient jugés. Ouais. Et en plus, on avait mobilisé aussi en France, je ne dis pas seulement le petit groupe qui commençait à manifester, j'avais fait des conférences à travers la France, en Amérique, chaque fois je dis ce procès d'avoir lieu, et on était des milliers arrivés en Allemagne, il y avait 35 jours de séance, et pour chaque jour de séance, il y avait plusieurs, des jeunes ou non-jeunes juifs de France qui sont venus pour être présents dans la salle, pour prendre la place d'éventuels supporters de Lichkar Hagen Heinrichsen. Donc, c'était vraiment pour les Allemands le désir des Juifs de France d'obtenir ce procès. Vous avez d'ailleurs été une fois ou plusieurs fois, vous avez été accompagné par des survivants, par une mère, par exemple, qui avait perdu ses trois enfants et un mari dans les camps de concentration, qui est venu avec vous en Allemagne et qui et plus tard pour, aussi est allé... Ça, c'était pour l'affaire Klaus Barbie, oui, quand on pas, avait commencé. Il n'y a pas eu deux familles non. qui... Non. Il y avait ça, c'était Mme Hallum-Brunner Ben-Gigi, c'était qui deux, avec deux vous, femmes hein, qui avaient perdu les enfants dans l'aume d'enfants des yeux. C'était Klaus Barbie qui avait demandé en avril 1944 de liquider ce room d'enfants. Alors revenons en Allemagne, est-ce que vous avez eu à ce moment-là un soutien actif de Willy Brandt ou vous l'admirez beaucoup? Non, parce que il y avait beaucoup d'actions, il y avait aussi une action c'était avant la ratification du traité franco-allemand, c'était possible de transférer Lichkar en France, il pouvait être traduit devant la justice militaire qu'il avait condamné après la guerre par contre Dumas. Donc c'était une tentative d'enlèvement qui malheureusement, enfin peut-être heureusement parce qu'il y avait le procès en Allemagne qui était plus important, qui a échoué. Et pour cet enlèvement, tentative, j'étais condamnée, j'étais en prison en Allemagne. Et j'étais en prison sous un ministre de la justice de Rhénanie-Westphalie qui était juif, qui était socialiste. Donc je vous dis, ça veut rien dire en Allemagne, socialiste ou chrétien-démocrate. On n'a jamais eu un grand soutien Non. Il avait peur, Brandt, en tant que personnage public, de soutenir ce genre d'action. Je sais que plus tard, une émission en Allemagne a passé, il y a peut-être déjà une dizaine d'années, où c'était la deuxième chaîne, Hessische Rundfunk, qui avait fait un programme sur moi, un portrait. Ils avaient demandé à Willy Brandt s'il ne voulait pas dire quelques mots. Il avait dit qu'il a des... il ne peut pas le faire parce qu'il a encore des considérations à prendre. Enfin, il ne voulait pas s'engager, voilà. C'est quand même étonnant, cet homme qui s'est agenouillé devant et le monument. Et surtout, quand il était présenté plusieurs fois comme chancelier, je l'ai soutenu, dans le oui, combat, absolument. J'avais soutenu Brandt, mais non, je crois d'ailleurs aussi quand Brandt faisait son premier voyage en Amérique, j'ai demandé si je peux accompagner ce voyage, et en dernière minute, il m'a refusé l'accès à la... Bon. Ça laisse quand même... Écoutez, on a eu des amis qu'on ne connaissait pas qui sont venus vers nous et des gens qui auraient pu être de notre bord. On a vu ça toujours qu'ils ont... Donc, je vous dis, ça, c'est la vie. Hein. Il faut... Oui, mais c'était quand même une déception pour vous, non? Bien sûr, j'aurais préféré, en effet, qu'ils disent quelque chose dans cette émission. J'aurais préféré depuis longtemps d'avoir une reconnaissance officielle d'Allemagne. Mon mari me dit toujours, attends que tu ne peux plus marcher, tu viendras en chaise roulante peut-être prendre une fois une décoration en Allemagne. Et après, là, il y a eu cette fameuse projection du film Holocaust, un film américain, une série américaine qui a été projetée en Allemagne. Et qui a soulevé quand même pas mal de réactions dans l'opinion publique. Vous avez le sentiment que, à partir de ce moment-là, il y a eu une prise de conscience, une approbation plus vaste de vos actions, ou c'était éphémère? Ça n'avait rien à voir avec mes actions en général. Non, je crois que ça montrait aux Allemands, le sort du peuple juif. Ça montrait aussi, que l'Allemagne était quand même l'initiateur de la solution finale, d'ailleurs soutenue malheureusement par d'autres pays européens. On a vu la France, c'est de la police française qui a arrêté les juifs en France, on a vu en Hollande, en Belgique, les juifs arrêtés, mais sans parler des pays antisémites comme la Pologne, mais je crois quand même, le réveil, c'était vraiment les années 60 avec la jeunesse allemande, et puis aussi je crois quand même les médias en Allemagne, c'est pas seulement l'Holocauste, mais depuis il y a beaucoup de films, surtout c'est Arte, il y a beaucoup de documents qui passent, donc je dis toujours les Allemands avaient depuis longtemps la possibilité de savoir. Alors, à un moment, vous décidez de vous rendre aussi relativement seul et indépendant de tout soutien d'un parti politique en Pologne. Parce qu'il y a de l'antisémitisme en Pologne qui se manifeste à travers des procès et à travers des manifestations publiques et même au niveau gouvernemental. Et c'était une sacrée équipée aussi, non? Ben oui, c'était surtout en Pologne, c'était l'antisémitisme du ministre de l'Intérieur Moksha, le général Moksha. Et puis donc, encore à l'époque, j'étais en bon terme avec la RDA. Alors je suis allée en Pologne, à Varsovie, et je me suis enchaînée et distribuée des tracts. Et puis donc arrêtée, bien entendu, expulsée. Et c'est la réaction de la RDA en disant que, écoutez, vous n'êtes plus bienvenue chez nous. Et j'ai répété en 71 une action... à Prague, c'était sur le Wenceslas Place, où j'ai également distribué des tracts contre l'antisionisme du gouvernement. On lit dans votre livre que vous avez d'abord été non seulement soutenu, mais activement fêté auprès des autorités de la RDA. Et finalement, vous êtes interdit même de séjour et de passage après vos actions dans les pays de l'Est et donc considéré comme anticommuniste. Et lèse-majesté vis-à-vis des gouvernements communistes. Comment vous vous expliquez ce revirement? C'est de nouveau la raison d'État ou est-ce qu'ils étaient vraiment convaincus qu'il n'y avait pas de l'antisémitisme en Pologne? Est-ce que c'était une réaction humaine? Parce que vous aviez quand même, vous aviez été reçu par les autorités tout à fait officielles de la RDA. Oui, mais à l'époque, on ne discutait pas. On a eu des problèmes Israël, parce que je connaissais l'anti-Israël, le sentiment anti-Israël de la RDA. Donc là, on a eu souvent des difficultés, des controverses. Et ils savaient, ils connaissaient très bien la position de Serge et de moi. Mais ça, c'est une action publique qui était publiée par les journaux. Donc, bon, j'avais quelqu'un qui m'a dit, bon, pour... vous aurez pu le faire pour la Pologne, on sait quel antisémitisme, on peut le faire à Prague, enfin donc ils étaient... Enfin, c'était quand même un régime, des gens que je connaissais là-bas, c'était des historiennes, c'était des gens qui étaient des fonctionnaires endoctrinés, ils n'avaient pas d'opinion propre en principe, et pour eux, c'était toujours, mais on ne peut pas faire ça pour dans un ami, dans un pays des frères, c'est ça, c'était les pays socialistes frères. Écoutez, moi, je n'étais pas là pour discuter ça avec eux. Ils savaient mon opinion. Et puis d'ailleurs, plus tard, la frontière était rouverte à nouveau. J'ai rencontré plus tard, une fois, dans un déjeuner, dans un dîner chez M. le président Mitterrand, c'était Honecker. Et puis, c'était au moment où on avait commencé à entamer l'affaire Brunner. L'Allemagne et les RDA et la Syrie avaient des très bonnes relations. Donc, on a essayé en Allemagne de l'Est, d'obtenir des Allemands de l'Est qu'ils enlèvent d'une manière ou d'une autre Brunner à Damas, ils le mettent sur un avion de leur Interflug ramené à Berlin-Schönefeld. Et puis donc, on avait des contacts avec le magistrat en Allemagne de l'Est, j'ai vu des hommes politiques, les affaires étrangères, et donc quand j'ai rencontré Honecker, je ne sais plus quelle année, il m'a dit « Ah, ben, Madame Klarsfeld, donc c'était plutôt amical. » Il m'a dit « Écoutez, si vous êtes la prochaine fois à Berlin, venez discuter ça aux affaires étrangères. » Et puis plus tard, on a trouvé des actes, tous les papiers qui ont montré que les Klarsfeld sont venus emmerder en Allemagne de l'Est pour obtenir... l'extradition d'Alice Brunner. Et en dernière minute, avant la chute du mur, l'Allemagne de l'Est a demandé l'extradition d'Alice Brunner à la Syrie. Et qu'est-ce qu'elle a été le résultat? Bon, il n'y avait pas de réponse. De toute façon, personne n'a jamais eu une réponse de la Syrie concernant Alice Brunner. Mais enfin, je dis, on les a obligés à ça. Et puis, bon, les relations s'étaient améliorées. Je crois que même les Allemands de l'Est ont quand même compris que j'ai une Allemande qui n'a pas d'œillères. Donc, de toute façon, je ne fais pas partie d'aucun parti politique. Et puis, protester contre l'antisémitisme, pourquoi seulement en Allemagne de l'Ouest, il fallait le faire aussi dans les pays de l'Est, même si c'était leurs amis. Et je crois que j'ai toujours me fait respecter. De toute façon, je ne me suis pas posé la question. Je dis, je fais ce que je dois faire. Et je crois que si on est indépendant, on peut le faire. Alors, une question à propos de Mengele et de Bormann. On savait que tous les deux avaient survécu, que tous les deux s'étaient enfuis. On était moins certains quant au lieu où Bormann se cachait, mais on savait très bien où se trouvait Mengele. Comment ça se fait que personne ne s'en ait jamais occupé de ce personnage qui était quand même un homme redoutable et qui avait s'il y avait quelqu'un à juger, c'était bien lui? Parce que personne, la presse, la justice allemande s'intéressait pas. On a parlé tout à fait de Lichkehag et Heinrichsen. Ils étaient dans les annuaires téléphoniques, ils vivaient ouvertement en Allemagne. Donc, je trouve que c'était pire pour les criminels nazis comme Lichkehag et Heinrichsen qui avaient des hauts fonctions en Allemagne et que les Allemands faisaient rien contre eux, que les criminels nazis comme Barbie, Mengele, qui sont enfuis en principe dans les pays d'Amérique du Sud, ou Brunner en Syrie. Mais même pour Mengele, on est allé voir, chercher moi, le procureur à Francfort. Les dossiers étaient déjà quelque part dans une cave, c'était difficile à les rechercher. Et il n'y avait pas d'intérêt. On savait très bien qu'il était, il a vécu en... Les Israéliens, quand ils ont enlevé Eichmann, ils avaient l'intention aussi d'enlever Mengele en même temps. On savait échouer. Oui, il était en Argentine, il savait qu'il avait quelle fonction, les enfants étaient inscrits sous le nom de Mengele, un double nom, il avait une femme divorcée, il avait épousé une deuxième, il avait son fils à Berlin, d'ailleurs nous, avec un petit groupe, on a obtenu d'entrer dans l'appartement du fils de Mengele, on a pu montrer que ce fils était allé avec un faux passeport au Brésil, quand le père est allé vivre au Brésil. Mais il n'y avait aucun intérêt de la part. Il y avait toute sa famille avait une grande compagnie de machines d'agriculture à Ginsburg, en Allemagne, en Bavière. C'était facile. Il y avait les gérants qui avaient, pendant des années, apporté l'argent à Mengele en Amérique du Sud. Ils auraient pu chercher des documents, mais ils n'ont pas voulu. Et c'est uniquement... En Israël, il y avait un tribunal, des jumeaux qui étaient... sur lesquels Bengel a fait des expériences, avait déjà alerté beaucoup la presse. Moi, dans un séjour en Amérique du Sud, je mis dans une annonce dans un journal, dans plusieurs journaux d'Amérique du Sud, en promettant beaucoup d'argent pour ceux qui donnaient des renseignements, qui étaient un peu farfelus, bien entendu. Mais ce qui a poussé la justice allemande, qui n'a pas voulu agir, d'aller à Ginsburg, à chercher dans la compagnie, ils avaient trouvé les documents, donc c'était trop tard, ils s'étaient déjà noyés au Brésil. Mais il n'y avait jamais eu d'intérêt, je dis. Je comprends encore pour ceux qui étaient en Amérique du Sud, mais ceux qui étaient sous la fenêtre en Allemagne, ça c'était pour moi toujours... Insupportable. Ouais. Alors, une question annexe... Vous parlez à un moment quelconque, assez brièvement, je dois le dire, mais vous aviez visiblement des documents là aussi, du comportement de l'Église catholique et de Rome, du Vatican, qui a quand même eu des relations plus que suspectes avec le régime national-socialiste, et vous aviez découvert des documents qui prouvaient que certains anciens nazis étaient sortis de l'Allemagne avec l'aide... sous la protection de l'Église. La plupart des criminels nazis, d'ailleurs on le sait aussi après la guerre, les alliés occidentaux ont réutilisé comme Barbie, et ils ont utilisé ces criminels nazis parce qu'ils avaient des bonnes connaissances sur le communisme, qu'ils ont combattu sur le régime nazi. Ils avaient des possibilités d'avoir des contacts encore pour obtenir des renseignements. Et donc l'Église catholique était anticommuniste, c'était l'ennemi, c'était le communisme. Donc pas pour eux, aider un criminel nazi qui était anticommuniste, il y avait la possibilité, on les faisait d'Italie, on a donné des facilités pour quitter l'Allemagne via Italie dans les pays d'Amérique du Sud. Je ne dis pas que c'était un organisme très très bien organisé, mais enfin il y avait la sympathie des prêtres, il y avait surtout plusieurs catégories qui détestaient davantage le communisme que les criminels nazis, disons. Ouais. Même sous le régime hitlérien, il y a eu des trahisons de la part du Vatican par rapport à quelques prêtres engagés le combat de la résistance. Le pape de l'époque a laissé arrêter les juifs sous ses fenêtres en Italie. Et lui, là aussi, je dis, c'était l'Allemagne était le pays qui libérait l'Europe du communisme. Voilà. Ouais. Alors, une question sur à propos d'Israël. Quand j'étais à Berlin, ça m'avait beaucoup frappé. L'antisionisme flagrant des pays de l'Est était connu. Et il est peut-être difficile pour quelqu'un comme vous de trouver une réponse à la situation d'Israël aujourd'hui. Parce que c'est quand même... Très souvent, les jeunes me disent comment ça se fait-il que des anciens juifs qui ont tant souffert de l'oppression, de la déportation, du comportement des autres vis-à-vis d'eux, de l'antisémitisme, etc., aujourd'hui défendent des causes dont eux pensent qu'ils sont injustes. Alors, quelle est votre position à vous et votre mari ? Dans cette situation, somme toute, très compliquée. Vous savez, pendant la guerre, il y a 2/3 des Juifs étaient tués parce qu'il n'y avait pas d'État d'Israël. Bon, si à l'époque il y avait un État d'Israël, beaucoup de Juifs auraient pu se réfugier en Israël. Même après la guerre, on a vu que les Britanniques empêchaient les Juifs qui avaient survécu les camps de concentration, les chambres à gaz, d'aller en Palestine à l'époque. Donc, moi, en tant qu'Allemand, je vous dis, j'avais fixer 3 points, c'était ne pas permettre que d'anciens criminels nazis pouvaient avoir des postes importants, c'était la lutte contre Kissinger, lutter contre l'antisémitisme partout où il se trouve, et puis aussi en tant qu'Allemande qui a fait partie politique d'un peuple qui a été responsable pour la solution finale, de me porter du côté d'Israël. Je l'ai fait après la guerre de Kippour, je suis allée en Syrie en 1974, j'ai protesté contre le fait que les Syriens ne laissaient pas voir les prisonniers israéliens qui étaient capturés sur les hauteurs du Golan. J'ai été plusieurs fois dans les sommets arabes où j'ai porté ma solidarité envers l'État d'Israël en disant il faut trouver une solution de paix. Je dois dire que vous savez, pour les Juifs aujourd'hui qui vivent en Israël, ceux qui sont allés vivre, ils sont venus, ils ont vu l'horreur, s'il y a encore aujourd'hui ceux qui vivent. Ils savent très bien aussi que malheureusement, pendant la guerre, il y avait la conférence de Vichy, il n'y avait personne qui avait secouru les Juifs. C'était un petit État aujourd'hui qui est entouré d'ennemis, des pays arabes qui se deviennent de plus en plus puissants. Et ils ont un adversaire maintenant qui est devenu très médiatique, Arafat. Et puis donc, c'est très, très difficile pour Israël de trouver une possibilité de faire la paix, parce que Israël est un pays démocratique, presque le seul dans cette région du monde. Il y a un gouvernement, et les gens sont élus démocratiquement. C'est pas le cas d'Assad, qui est élu à 92 ou 98%. Ils essaient de se défendre comme ils peuvent parce qu'il y a un premier problème, c'est la sécurité. Et je crois que là, bon, je dis, moi je me dis ouvertement pro-israélienne, je ne l'ai jamais caché. Mais il y a beaucoup de problèmes en effet parce que la cause palestinienne a pu attirer beaucoup de gens en disant les Palestiniens sont ceux qui sont poursuivis par ceux qui étaient les victimes il y a une cinquantaine, soixantaine d'années. Mais c'est une solution très, très difficile à résoudre parce qu'il y a d'abord, dans les derniers mois, il y a tellement de haine qui s'est fait. Et on se demande comment un jour on va trouver la paix dans ce pays-là. Mais il faut dire aussi que les pays arabes ne sont pas très solidaires avec les Palestiniens. On a vu que la Jordanie a fermé la frontière pour laisser les Palestiniens de Gaza entrer chez eux. Et on a vu un septembre noir en Jordanie. Donc, je vous dis, trouver une solution, c'est un principe comme demandent les Israéliens aujourd'hui, que les Palestiniens, M. Arafat, arrêtent complètement la violence. On a quand même vu que les Israéliens sont retirés du Liban il y a plus qu'un an. Les tirs de Hezbollah protégés par les Palestiniens contenus sur l'autre côté, sur Israël. Il y a des attentats, des kamikazes, il y a combien de centaines de milliers d'Arabes israéliens qui vivent en Israël. Donc, je dis, c'est en principe pour trouver une solution de paix, c'est qu'on sort la haine de tous les cœurs. Ce quatrième volet de la série À voix nue, Beate Klarsfeld au micro de Katharina von Bülow, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 6 juin 2002. Tout de suite, le dernier moment de cette rencontre. Alors Beate Klarsfeld, aujourd'hui, on va parler dans la dernière émission que j'ai envie d'appeler quelque chose comme mémoire et histoire, parce que avec l'affaire Barbie et surtout avec le temps qui passe, vous êtes de plus en plus aujourd'hui confronté à une époque où la plupart des anciens nazis disparaissent les uns après les autres. Alors revenons au cas Barbie qui est quand même assez spectaculaire, et j'aimerais bien que vous nous parliez un peu du début de votre enquête, de la façon dont vous avez enquêté et ce qui vous a poussé à vous occuper particulièrement et en particulier de ce cas-là. Mais Barbie était condamnée par contumace aussi en France à mort, de reprise. Et donc, c'était juste au moment où on a commencé d'entamer notre lutte pour obtenir le procès à Cologne de Lischka Hagen Heinrichsen dans les années 71. Donc, je dis, Barbie, on s'est occupé de Mengele, de Walter Rauf, qui s'était réfugié au Chili, qui était le constructeur des chambres à gaz ambulants. Ce sont les criminels nazis sur lesquels nous avons agi qui étaient à l'extérieur. Et Barbie, donc, était après la guerre partie en Amérique du Sud et s'est finalement installée en Bolivie. Et en Allemagne, en 71, il y avait un tribunal à Munich, un magistrat, un procureur qui avait sur une plainte portée par un mouvement, enfin des anciennes des résistants déportés d'Allemagne, le VVN, qui avait, sachant que Barbie était à l'extérieur, mais ils avaient porté plainte pour avoir assassiné, tué et fusillé des résistants et pour avoir déporté les enfants juifs de nos colonies à Izieux, à côté de Lyon, en avril 1944, peu de temps avant la fin de la guerre. Et ce procureur allemand a finalement fermé ce dossier en disant « ça c'était pour nous la raison d'agir si il fermait le dossier contre Klaus Barbie, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas prouver qu'il fusillait les résistants, soi-disant il n'y avait plus de témoins. » Et puis sur les enfants d'Izieux, c'était l'argumentation que Barbie ne pouvait pas connaître le réel sort des enfants qu'il faisait sortir du home d'enfants sans parents, qu'il mettait d'abord à Drancy puis dans les trains vers Auschwitz. Donc si un procureur peut argumenter comme ça, le procureur de Cologne contre Lischke Hagen Heinrichsen, et en Allemagne, il fallait prouver qu'ils avaient la connaissance, c'est-à-dire qu'ils savaient que les Juifs étaient envoyés vers la mort. Alors on se dit, si on laisse passer cela, le procureur de Cologne un jour va reprendre ce raisonnement. Et j'ai commencé d'abord à mobiliser ici en France, surtout Barbie était connue aussi d'avoir torturé à mort Jean Moulin. Et j'avais trouvé l'amicale Jean Moulin. Et puis aussi, j'ai trouvé dans l'annuaire, nous avons cherché, est-ce qu'il y a encore des parents, des enfants d'Izieux? Et nous avons trouvé deux mères juives, Madame Halum Brunner Ben-Guigui, qui avaient des enfants. Qu'ils avaient des enfants qui étaient dans l'homme d'enfants des yeux, deux enfants. Et Madame Halum Brunner, même son mari, était déporté aussi et le frère était fusillé à Lyon par Klaus Barbie. Et j'ai demandé d'abord à Madame Ben-Guigui, j'ai dit, écoutez, Madame Ben-Guigui, le dossier sera fermé à Munich, il faut venir avec moi. Elle était déportée elle-même, elle avait survécu par miracle, et puis quand elle était à Auschwitz, elle avait le tri des vêtements et elle avait trouvé un jour le pull de son enfant. Parce qu'elle pensait bien entendu que les enfants sont en sécurité en France, donc elle s'est rendue compte que l'enfant était parti à Auschwitz. Alors, je dis, il faut aller on va faire quelque chose à Munich, et elle a dit, bon, d'accord, on a entamé la grève de la faim devant la fenêtre du procureur qui avait fermé le dossier. On était venu le matin avec des déportés résistants qui ont manifesté calmement, sans protester. Moi-même, j'étais voir le procureur, j'ai dit, écoutez, je peux vous apporter les preuves pour ouvrir le dossier qui permettent de prouver qu'ils connaissaient le sort des enfants. Et bon, ils ne voulaient rien savoir. Et puis quand à 10h le soir, cette pauvre Madame Ben-Guigui faisait froid, était encore sur sa caisse avec une couverture, les journalistes venaient, ils disaient, écoutez, montez chez moi, on va essayer de trouver une solution. Et puis on a pu prouver qu'ils connaissaient le sort, parce que quand un représentant d'une organisation juive est venu voir Barbie à Lyon en disant, écoutez, à Montluc, on fusille les déportés, les juifs, essayez de les envoyer vers le travail. Alors il a dit, écoutez, déporter ou fusiller, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il connaissait le sort. Et puis le procureur a réouvert l'affaire. Bon, il y a beaucoup de presse à Munich. La photo de Barbie de l'époque était montrée dans les journaux. Un Allemand à l'époque qui vivait au Pérou nous a contactés à travers le procureur en disant, écoutez, cette photo-là, ça me rappelle quelque chose. Il ressemble drôlement à un homme bolivien, un homme d'affaires qui vit à Lima. D'ailleurs, très ami avec un criminel nazi, Schwent. Et je crois que ça c'est, il est sous le nom d'Altman, mais je crois que c'est Barbie. Donc il nous a donné le document, et puis ce procureur, d'ailleurs un chrétien démocrate, est devenu très amical, il nous a aidé énormément dans la recherche. On a pu, avec son aide, avoir les renseignements sur Barbie pendant la guerre, sa famille, par la police allemande. Avec l'allemand de Lima, on a pu obtenir tous les renseignements sur la famille Altman en Bolivie. Et puis donc, c'était prouvé. Bon, la France ne voulait pas demander l'extradition au Pérou. Et puis là aussi, comme toujours, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, mais je vais aller moi-même, je vais apporter les éléments à Lima qu'ils hébergent un criminel nazi. Et puis quand j'ai sorti, suis arrivé à Lima, il avait pris la fuite et était rentré chez lui en Bolivie. Mais donc c'était, je dis, c'était aussi connu parce que les services secrets allemands, les services secrets américains, il a travaillé après la guerre pour les Américains à Munich. Et c'est uniquement quand il avait fait quelques hold-up avec des anciens nazis, les Américains voulaient se débarrasser de lui, il a dû quitter l'Allemagne. Mais à l'ambassade, il savait allemande. Il se cachait pas dans le club allemand. Il disait oui, je suis un nazi. Il n'a pas dit qu'il était le chef de la Gestapo de Lyon. Donc je dis, c'était la hypocrisie totale. Il fallait donc venir. Alors je suis arrivée avec mes papiers de Lima, je suis à La Paz, et puis là je suis allée voir les chefs de la police, le ministre de la justice, et puis quand ils ne voulaient pas me recevoir, j'ai dit, écoutez, je suis là, je vous accuse d'héberger un criminel nazi, la dictature de Stroessner, elle est terrible. Et puis la presse a marché en Bolivie d'ailleurs, miraculeusement très fort. Peut-être ils avaient pour la première fois quelqu'un venir de cette manière accuser leur pays d'être un protecteur des criminels nazis. Et je suis revenue une deuxième fois. Entre-temps, la France avait demandé l'extradition à la Bolivie avec une autre mère juive. Il n'y avait pas de déporté qui est venu avec moi. C'était à nouveau une mère juive. Parce qu'il faut le comprendre, ces mères juives, ils avaient perdu les enfants. Donc, ils savaient ce que c'était la souffrance. Un criminel nazi, ce que je dis. Parce qu'on m'a déjà dit, ah, il faut pardonner. Je dis, mais pourquoi? Lischke Hagen, Heinrichsen avaient une vie merveilleuse après la guerre. Ils avaient leur famille, les enfants étaient à côté d'eux. Mais Mme Benguigui, Mme Alum Brunet qui venait avec moi en Bolivie, elle n'a pas eu ses enfants après la guerre, elle n'a pas eu son mari. Donc, ces femmes ont souffert toute leur vie, c'était dans la tête d'avoir pas pouvoir voir les enfants grandir, etc. Et ça, c'est de la vraie souffrance. C'est pour ça que je me suis déjà très engagée pour la souffrance des enfants. D'ailleurs, on a fait un mémorial des 11 000 enfants déportés de France, parce que n'importe quel criminel nazi a pu trouver comme raison ce qu'ils ont fait souvent. Oh, on pensait que c'est pour le travail, mais quand on en prend des bébés et des petits-enfants, on les met dans des trains sans nourriture, sans rien, on doit s'imaginer que c'est pour un sort horrible. Donc Barbie et Bruna aussi, qui a raflé à la fin de la guerre encore 250 enfants autour de Paris, ce sont vraiment ces gens qui s'est acharnés, mais il n'y avait plus de juifs adultes, alors il fallait prendre les enfants. Et ça, finalement, nous a poussé énormément. Bon, il y a eu des... Là aussi, en Bolivie, on a essayé, quand on voyait que la cour de sucre en Bolivie avait refusé l'extradition, on a essayé de préparer un enlèvement avec des Boliviens en exil au Chili. Donc, le plan, c'était de l'amener de La Paz au Chili, à Santiago. À l'époque, Allende était au pouvoir, et de là, par la France. Bon, malheureusement, ça a échoué. Les gens n'ont pas eu la possibilité de le faire. Barbie était mise en prison aussi pour escroquerie. La demande était demandée. Donc, les Boliviennes avaient peur qu'ils puissent s'enfuir quelque part dans un autre pays. Et quand ils étaient sortis de prison, Allende était renversé et Pinochet l'a remplacé. Donc, on avait laissé tomber. Mais finalement, toutes ces actions qu'on a faites pendant des années, je n'ai pas raconté toutes les actions en colonne pour ce procès, des milliers de beaucoup de manifestations qui souvent se demandaient mais pourquoi on les fait, mais c'est payant à la fin. Bon, je ne dis pas que chaque fois on a eu un résultat à 100%, mais enfin, c'est payant de le faire constamment, de ne pas laisser tomber. Et là aussi, je dis, celui qui a voulu faire avec nous l'enlèvement de Barbie en Bolivie, quand les socialistes sont venus au pouvoir en Bolivie, il est revenu du Chili, il était responsable de la presse, il était au ministère de l'Intérieur, et lui qui savait qu'il était Barbie, tout de suite, on lui a enlevé la nationalité bolivienne et il était remis dans la main des Français et retourné vers la Guyane et puis de là retourné à Lyon, à Fort-Montluc, là où il a commis ses crimes. Donc, c'est des actions, je dis, qui demandaient d'abord l'impulsion, c'était nous. Bon, bien entendu, après, on a pu trouver des aides. Il y avait aussi Régis Debré, qui était condamné à mort en Bolivie parce qu'il était un ami de Che Guevara, et qui, après l'intervention de Gaulle, était libéré. Donc, c'était Régis Debré qui avait essayé auprès de conseillers de Mitterrand, qui a poussé Mitterrand à demander, à obtenir cette même pas une extradition, une expulsion. Donc, je dis, c'est à la fin, on trouve des amis qui finalement nous ont aidés, mais disons, bien entendu, on a travaillé juste près pour ça, et Mitterrand aussi. Mais c'était quand même, au début, une petite action, enfin, une action où on s'engage à 100%, et c'est pas toujours payant, mais très souvent, c'était payant. Alors, est-ce que le procès qui lui a été fait finalement en France était un procès qui vous a semblé satisfaisant? Le procès était exemplaire parce que nous avons réuni beaucoup de parties civiles, donc nous avons pu trouver toutes les parents des enfants d'Izieux. On a publié un livre avec, parce qu'en plus ces parents sont portés partie civile. Mon mari représentait beaucoup de parties civiles. Et il y avait beaucoup d'avocats de partie civile. C'était un procès qui était suivi dans le monde entier jusqu'au moment où le défenseur de Klaus Barbie, Vergès, a conseillé à son client de ne pas apparaître. Donc il est apparu, je crois, un premier jour, un deuxième jour, ou pour quelques moments où il devait être là pour être confronté avec un témoin. Mais ce procès avait perdu après l'intérêt pour la presse parce que le criminel n'était plus là. Ça c'est toujours ce qu'on dit, les journalistes sont attirés par l'horreur, par les criminels nazis, mais très rarement par les victimes. Nos mères juives avaient beaucoup moins de publicité qu'un Klaus Barbie, c'est ça. Mais le procès avait quand même attiré aussi beaucoup de jeunes. Il y avait chaque fois la salle était pleine et la condamnation à perpétuer, c'était quand même l'aboutissement. Bon, d'abord, nous, on avait demandé de le faire pour la déportation des Juifs organisée par Klaus Barbie. Après, c'était élargi aussi sur ces crimes contre la résistance. Donc, beaucoup d'autres sont joints, les anciens déportés résistants qui ont témoigné. Donc, ce procès a une ampleur avec des personnalités et je crois quand même ça a montré ce que put faire un chef de la Gestapo à Lyon localement, la terreur, les fusillades, les persécutions et puis aussi ses enfants qu'il a fait déporter. Alors pour revenir un instant à ces procès, le procès d'Eichmann, par exemple, a soulevé pas mal de débats et de discussions. Hannah Arendt, qui l'a soutenu et qui a publié un livre à la suite de ce procès, a été très contesté, y compris dans le milieu juif, non pas nécessairement parce qu'il y a eu procès, mais parce qu'elle avait adopté des positions qui ne convenaient pas aux plus radicaux des juifs. Et moi, en lisant votre livre, j'avais le sentiment que la communauté juive n'était pas toujours harmonieusement d'accord avec ce que vous faisiez, qu'il y avait aussi là des résistances, des désaccords, des réticences. Comment ça s'est passé en France? Vous aviez des difficultés avec les milieux juifs ou tout le monde était derrière vous? Pour le procès Barbie, je vous dis, quand j'étais partie pour la première fois avec la mère juive à Munich pour obtenir la réouverture du dossier de Barbie, les résistants n'étaient pas très chauds de venir avec nous. Manifester en Allemagne, c'était quel était pas... leur ils ne voulaient pas s'engager. Et puis, pour eux, c'était... Ils ne voulaient pas faire un effort pour obtenir un résultat. Vous savez, ce n'est pas facile de dire « Oh là là, en Bolivie, vit ce criminel nazi », mais il faut déjà montrer qu'on peut faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Et ça, je dois dire que finalement, c'est la communauté juive qui agit, c'est nous. D'ailleurs, en Allemagne, le procès de Lischka Heinrichsen, c'était un petit noyau juif français en Allemagne. La communauté juive allemande ne nous a pas du tout aidés. Au contraire, on est gênés avec dans leur relation qu'ils avaient avec le gouvernement allemand. Vous voyez, on était toujours, je veux dire, d'ailleurs, des gens qui venaient seuls et puis on se débrouillait toujours toute seule, c'est ça. Vous gêniez. On gênait, oui, oui. C'est toujours au nom de la réelle politique qui ne supporte pas très bien qu'on perturbe voilà, les relations. Voilà, leur tranquillité, leurs bonnes relations, leurs affaires qu'ils ont en Allemagne. Pourquoi d'un coup venir réveiller et faire traduire ces criminels, des gens déjà âgés, des gens qui n'ont pas... C'était un argument qui était repris souvent, qui était après la guerre, qui n'ont pas commis de crimes, ce qui est vrai, mais ce n'était pas des voleurs. C'était des gens qui ont agi sous le régime national-socialiste pour différentes raisons, antisémites, carriéristes qui voulaient garder un bon poste au lieu d'être envoyés sur le front Est. Mais et après la guerre, bah, bien entendu, c'était devenu des maires, des juges, c'est normal. Donc ils commettaient plus de crimes. Donc c'était des gens intégrés à 100%. Quand on a manifesté devant Lichka, on se fait huer par les voisins de Lichka ou Hagen. On nous a crié, mais ce sont des hommes agréables, ils sont des bons père de famille, mais laissez-les tranquilles, voilà, c'était ça. C'était pas aussi le cas lorsque vous avez essayé d'enlever, je crois que c'était Lichka que vous avez essayé d'enlever. Mm-hmm. Et c'était assez rocambolesque, je dois dire, votre tentative d'enlèvement. Bah, c'était parce qu'on est désespéré d'ailleurs, parce que l'affaire n'avançait pas, le traité franco-allemand n'était pas signé, et puis on a dit, bon, on va essayer de l'enlever, l'amener en France, il sera traduit devant la justice militaire. Même quand ça a échoué, on a essayé aussi de voir en disant, nous faisons confiance dans la justice allemande, et on voudrait que le procès a lieu en Allemagne. Mais si vous ne faites pas ça, on est prête à agir autrement. Et d'ailleurs, mon mari a essayé de le faire. Il est allé à Cologne toute seule avec un pistolet. Et on savait bien entendu où travaillait Lichka. Et quand Lichka est sorti le soir du bureau, mon mari lui a pointé le revolver sur la tête. Il ne savait pas qu'il n'était pas armé. Mais Lichka qui a hurlé, il y a des gens qui sont venus qui ont regardé. Bon, mon mari a pu reprendre le train. Et après, nous ont dit, oui, nous avons la possibilité de le faire. Si vous ne agissez pas par la justice pour juger, un jour, il y a des gens qui ne peuvent plus, qui ont perdu leurs parents, qui ne peuvent pas supporter que Lichka vit ouvertement en Cologne, il va arriver un drame. Bon, tout ça finalement a poussé les Allemands à ratifier et à ouvrir le procès en 79 et le finir en 80 avec des condamnations, bon, qui n'étaient seulement pas pour meurtre, assistance au meurtre. Donc les peines ne pouvaient pas être très importantes, surtout que la plupart étaient déjà en prison sur les Alliés. Mais quand même, c'était exemplaire qu'un maire de Bavière devienne un criminel qui est en prison. Lichka était brisé aussi parce qu'il ne s'attendait pas à ça qu'un jour ils vont payer pour les crimes. Et ce qu'il disait d'ailleurs le juge, c'était un jeune juge comme je disais, disait, moi ça me fait mal au cœur de juger ces hommes-là, ils pourraient être mon père, mes oncles, ils n'ont pas commis de crimes après la guerre, mais il faut le faire pour travers eux de juger tous les systèmes nazis et empêcher pour que ça puisse répéter. Ouais. Donc, en fin de compte, toutes ces chasses à l'homme ont payé dans l'absolu. Oui, sauf l'affaire Brunner, on ne l'a jamais résoudre, je crois. Brunner, qui est un des pires, qui est depuis longtemps protégé par les régimes syriens, le père Assad, le fils Assad. Bon, on a fait un maximum, on a pu à la communauté européenne pendant 2 ans, on a obtenu voyant les députés de couper l'aide financière de la communauté européenne vers la Syrie. Serge et moi, on a milité plusieurs fois en Syrie même. On a demandé aussi la libération des juifs de Syrie. On a essayé d'expliquer que Brunner vit sous le nom de Fischer en Syrie. On n'a pas eu de possibilité d'agir parce que, étant donné que les régimes syriens, on a déjà dit, on ne le connaît pas. Et les leaders en France ou en Allemagne qui sont allés voir Assad n'ont jamais fait un boycott diplomatique ou économique envers la Syrie pour obtenir son extradition. Donc je dis, nous avons essayé toutes les possibilités, mais on aurait dû être relégués, mais on n'était pas. Alors, une question à propos du comportement des Français sous l'occupation allemande. Il y a un gros dossier qui concerne les intellectuels allemands qui étaient envoyés en France pour œuvrer pour les relations franco-allemandes dans le milieu de la culture, notamment Jünger, qui était un cas connu. Et il y avait aussi le cas Heidegger, qui a fait couler beaucoup d'encre. Comment vous expliquez-vous le comportement de Mitterrand vis-à-vis de quelqu'un comme Ernst Jünger? Il suffisait de lire ses textes pour savoir qu'il n'avait pas changé d'opinion après la guerre et qu'il était toujours aussi antidémocrate qu'avant la guerre. Je sais qu'il est allé le voir en Allemagne, il y a peut-être un écrivain, et Mitterrand c'était un écrivain, enfin littéraire, donc je pense que c'est côté là qu'il a dû prendre le dessus. Il avait vu un Jünger, l'écrivain, voilà, qui l'a tiré, donc je crois que c'est ça. Vous n'avez pas été étonné que tant d'intellectuels, quand même compromis avec le régime national-socialiste, ont eu finalement une deuxième carrière plutôt à travers la gauche française qu'à travers l'Allemagne, parce qu'Heidegger, par exemple, a été boycotté après la guerre. Il a refait surface à cause de la gauche française et des intellectuels français. Ça vous a pas étonné? Ça nous étonne un petit peu, mais enfin, je veux dire, c'est quand même par des gens qui ont tué. C'était pas des Heidegger et Jünger, mais c'était des gens qui, avec leurs idées, bien entendu, ont permis au régime nazi d'agir, préparer l'opinion publique. Mais ce sont des intellectuels, et puis je crois que c'est très difficile de juger là-dessus. Il y a peut-être des hommes politiques qui auraient refusé de les recevoir. Mitterrand l'a fait. C'est difficile à le condamner. Alors, vous avez reçu de la part de quelqu'un qui était très monté contre les Allemands après la guerre, c'était Vladimir Yankelevitch, qui avait décidé de ne plus écouter de la musique allemande, qui voulait plus s'occuper de la philosophie allemande, qui ne disait jamais bonjour à un Allemand, qui refusait de parler allemand, bien qu'il connaisse très bien la langue. Et il a consacré un long papier, il vous a consacré un long papier qui s'appelle « Beate Klarsfeld, la grande chance du pardon ». J'aurais envie de vous lire un bref passage qui me semble très symptomatique d'une certaine manière de ce que vous méritez peut-être le mieux. Il dit « Elle aurait pu faire comme les autres, comme les grands philosophes allemands par exemple, qui sont passés à côté de cette terrifiante tragédie, de cette chose sinistre, sans un mot. La philosophie de ces grandissimes philosophes n'ayant apparemment rien à voir ou à dire, Beate Klarsfeld a préféré la tribulation et le danger. Aussi est-elle pour nous un espoir, la possibilité d'une réconciliation, la première grande chance du pardon. » Alors là, il est question de pardon. Tout à l'heure, vous avez dit que lorsqu'on vous disait « il fallait savoir pardonner », vous avez répondu non. Lorsqu'on a été un ancien nazi, jamais les criminels nazis ont demandé pardon. Ça en plus. Oui, ça en plus, par-dessus le marché, personne n'a jamais fait son mea culpa, en dehors d'Albert Speer, peut-être lors du procès de Nuremberg, et encore dans son livre, il ne le fait pas tellement. Non. Donc, est-ce que ça vous a beaucoup touché ce papier? Parce qu'en France, vous n'aviez pas un soutien particulièrement poussé, non? Je sais quand même, ça, il y avait des soutiens quand même, en tant que, si, je crois que beaucoup d'anciennes résistantes déportées ont quand même été touchées par l'action d'une Allemande non-juif en faveur du peuple juif. Et Vladimir Yankelevitch, que j'ai connu d'ailleurs très bien, mais il était impressionné. Il a vu quelqu'un qui ne parle pas seulement, qui agit. D'ailleurs aussi quelqu'un qui m'a dit un jour, c'était Menachem Begin, premier ministre d'Israël, quand je militais en Israël pour justement, on juge en Allemagne les criminels nazis, qu'Israël pousse l'Allemagne de le faire. Il m'a dit, vous êtes la première Allemande à qui je serre la main. Donc je dis, ce sont des choses qui vous réconfortent et qui me donnent, qui me disent finalement ce que je fais, je l'ai bien fait et je devais le faire. C'était à voix nue, Beate Klarsfeld au micro de Katharina von Bülow, 4e et 5e volet, diffusé pour la première fois sur France Culture les 6 et 7 juin 2002. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.